même CDE. Pas les mêmes flots, pas les mêmes lives d'ici à là et entre les os. Pas les mêmes grains de pop, voilà du rap. Pas les mêmes rap, c'est pas ton rap, l'ami, voici un brin hip hop. Pas les mêmes CDE, pas les mêmes flots, pas les mêmes lives d'ici à là et entre les os. Pas les mêmes grains de pop, voilà du rap. Pas les mêmes rap, c'est pas ton rap, l'ami, voici un brin hip hop. Flow phénoménal, lyrical, arsenal, sensationnel, M6, grammeur de son sur ce putain de microphone. Du boom, chaco, check one, toute la tech fraîche, frère, sans excès de zèle, ce qui nous place loin devant. Constamment en train de rêver d'être nous, ami, tu rêves de boule, ici c'est DK, c'est tes circus. Cool, ta bouse reste au sol, nos voix effleurent le ciel, du lourd, c'est tout ce qu'on sait faire. Objet rapologique, non identifié, je viens juste pour chanter, pas besoin de venir de la cité, insta. Dans mon écriture comme dans ma vie qui passe, aussi vite qu'une balle qui perce, t'es tapant juste pour l'occasion. J'ai pas le temps de jouer, comme nous l'avait dit le dad, le mic, c'est mon jouet, donc s'il te plaît ne me l'enlève pas. C'est pas à pas que j'apprends cette zik à leur concert d'appât. Je ne pèserai pas mes mots car c'est mon art qui sert d'eau. Franc. Pas les mêmes idéaux, pas les mêmes flows, pas les mêmes lives ici à l'ail entre les os. Pas les mêmes grains de pop, voilà du rap. Pas les mêmes rap, c'est pas ton rap, l'ami, voici un grain de pop. Pas les mêmes idéaux, pas les mêmes flows, pas les mêmes lives ici à l'ail entre les os. Pas les mêmes grains de pop, voilà du rap. Pas les mêmes rap, c'est pas ton rap, l'ami, voici un grain de pop. N'a vraiment rien à envier au vôtre, ne serait-ce que ce à quoi il aspire. Car lorsqu'il s'agit de faire du fric, le bougre ne se pervertit pas. Juste ce mode pour rendre sa zig accessible au plus grand nombre. Dès lors, la différence est faite, mon rap est né pour durer. Pendant que le vote pète en nous bombardant d'un air éphémère, mon rap observe la merde pas trop près, de peur qu'elle éclabousse. Du coup, il garde la nuit intacte. De cash et de tasse dans les textes, une base dans les veines. Des claques et des claques à la peine, laisse ton game à la peine. Moi, une minute pour que le beat crame, même si c'est calme et que le pète crame. Anonyme et despi ami, je suis cette étoile filante que les constellations admirent, que ces connards contemplent. Seul dans leur chambre, une barre entre les jambes. Observe-nous et vois comment naissent les légendes. Pas les mêmes idéaux, pas les mêmes flows, pas les mêmes lives. Si un lie entre les os, pas les mêmes grains de pop. Voilà du rap, pas les mêmes rap. C'est pas ton rap, l'ami, voici un brin du pop. Pas les mêmes idéaux, pas les mêmes flows, pas les mêmes lives. Si un lie entre les os, pas les mêmes grains de pop. Voilà du rap. Pas les mêmes rap, c'est pas ton rap, l'ami, voici un brin. Dans le rap, y'a trop d'illuminés, j'ai donc éliminé vos frappes. Désolé si le son est fat, on vous donne juste tout ce que l'on a, plus que notre art. Ce truc nous colle à la peau comme rarement, ce truc m'éprouve donc je m'efforce de faire mes preuves. Quand je rentre en piste, ils ne font pas que les balles pleuvent, non. C'est juste autre chose, il ne faut pas que tu t'y attends. Je n'attends plus rien pour me présenter ici, FLOW et jusqu'à l'aide qui viennent te hanter. Oh voit je chope le micro, juste une figure de style qui fait que tu capes le niveau. Crédit juste histoire de voir si tu gesticules. Mes pas sont étudiés dans le but d'être celle qui tue. Si tu pensais c'était mon regard, les mecs s'illusent plus. Une manière assez classe, très loin de Belzébul. Le truc, un peu de texte dans la technique, des beats qui bounce, et surtout d'avoir le soutien d'une vraie clique.